À la fête des vendanges, si d'ici là rien ne change, entre nous mon amour, je t'emmènerai faire un tour, puis chez la bohémienne, on se fera tirer les brèmes. Elle ira dans nos mains que pour nous le destin, c'est de suivre le même chemin. Ouais. J'ai dit tire au fusil devant tes yeux ébahis. Mieux que Buffalo Bill, je taperai dans le mille les manèges des forains. Tourneront jusqu'au matin. Et dans le petit jour, après un dernier tour, nous mangerons des pommes d'amour. Jamais les blousons noirs viennent chercher la bagarre, tu te réfugieras bien vite dans mes bras. Tu sais, je les connais bien. À nous, ils ne feront rien. Même si j'ai changé, je suis de leur côté, car il y a peu, moi j'étais l'un d'eux. Il y a bien longtemps, nos arrière-grands-parents, ici même vécurent, quand les temps étaient durs, c'est peut-être leur sang qui abreuva les sarments du vin que nous.